à 17h30. Un coup de téléphone anonyme chez l'oncle Michel prévient la famille. Ça ne répond pas à côté, je me suis vengé, j'ai pris le fils du chef et je l'ai jeté dans la Vologne. Ce n'est qu'à 21h15, grâce à l'aide des villageois, que le corps de Grégory sera retrouvé. Pieds et poings liés, un bonnet replié sur les yeux, vêtu d'un anorak, Grégory est mort, noyé. Alors, je suis Denis Robert. Donc, je suis écrivain, mais mon activité principale, c'est le journalisme. Et le journalisme, je l'ai commencé pratiquement ici, à Docelle. C'est un petit village dans les Vosges qui est traversé par une rivière qui s'appelle la Vologne. Et on est à l'endroit où, derrière moi, là, le corps de Grégory Villemain a été découvert donc, il y a 34 ans maintenant. Quelles sont les circonstances qui vous amènent ici, à Docelle ? À l'époque, je suis pigiste à Libération. Donc je viens de sortir de l'université. Et donc, le journal envoie le pigiste et correspondant que je suis à Mulhouse parce qu'un magistrat a été retrouvé mort dans un coffre-fort. Et je me souviens être allé là-bas en voiture. À l'époque, j'avais une Renault 4 bleue qui ressemblait aux Renault 4 de la police. Et j'avais un Briard qui ne me quittait jamais. C'était mon chien, qui s'appelait Hugo. Et Libération m'appelle et me dit « Quand tu rentres à Metz, fais un crochet par un village qui s'appelle Docelle. » Et on a retrouvé le corps d'un enfant. La photo fait la une du Républicain Lorrain, de l'Est Républicain, de la Liberté de l'Est. Enfin, la photo était ahurissante parce qu'on voyait le corps de cet enfant dans une ambiance très sombre. C'est la nuit, c'est une photo faite au flash. Et donc je m'arrête ici et je viens à cet endroit. Quoi. Et bon, je découvre la rivière et je me souviens que la première fois où je suis venu, j'ai pris de l'essence à Docelle, je crois que c'était à Docelle. Tout de suite, le pompiste m'a dit « Mais vous venez pour le crime ?» Alors j'étais avec Laurence Lacour d'Europe 1 et on était les deux seuls reporters extérieurs aux rédactions locales. Quoi. Et donc, en fait, comme j'habite à peu près 200 bornes d'ici, je vais, contrairement aux autres reporters, je vais faire des allers-retours chez moi. D'abord, je vais ramener mon chien et puis je vais revenir sans mon chien parce qu'un Briard, c'est quand même un peu encombrant quand on essaie de suivre un fait divers. Après, je vais quasiment m'installer ici pendant 3 mois. Quoi. 18 octobre 1984. Grégory est mort, noyé. L'autopsie ne révélera aucune trace de violence physique. Selon le capitaine de gendarmerie Sesmat, on aurait dit que l'enfant était entré dans l'eau de lui-même comme par jeu. Dès la découverte du corps, l'enquête s'est orientée vers les proches des Villemain. On cherche autant dans la famille qu'à l'extérieur, mais surtout dans la famille, confirmera le juge Lambert, chargé de l'instruction. Je m'appelle Thibaut Solano, je suis journaliste depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé en presse régionale, à faire du fait divers à la montagne à Clermont-Ferrand. Ensuite, j'ai écrit un premier bouquin, Les Disparus, sur une affaire de tueur en série du côté de Perpignan. Et puis, j'ai travaillé sur un deuxième livre qui est revenu aux origines de l'affaire Grégory. Et le livre s'appelle « La voix rauque ». Alors j'avais 1 an quand l'affaire est arrivée, en 84, je suis né en 83. Donc les souvenirs que j'ai sont quand même très flous. Je me souviens essentiellement, et ça doit dater de la fin des années 80, de mes parents devant la télévision, peut-être devant la 5, en train de regarder les journaux télévisés consacrés à l'affaire. J'ai des images de cris devant un palais de justice. Mais à part ça, je connaissais l'affaire dans les grandes lignes, comme beaucoup de gens, c'est-à-dire le drame, et ensuite le fiasco judiciaire, le fiasco un peu médiatique qui ont suivi, parce qu'on a un espèce de huis clos familial, une sorte de nid de guêpe ou de nid de corbeau, avec un nombre de suspects restreints, et on se dit que le coupable est forcément là. Et voilà, c'est la clé de l'énigme à chercher dans le passé de la famille qui a pu en vouloir à la famille Villemain au point de s'en prendre à Grégory. Alors la famille Villemain est née dans les Vosges, qui est une région enclavée, qui à l'époque vit beaucoup de son tissu industriel. Tout le monde a plus ou moins la même vie, c'est-à-dire à 14 ans, à 15 ans, on quitte l'école. Ensuite, on va bosser à l'usine. À 18 ans, on rencontre l'amour et à 20 ans, on commence à faire des enfants. Et on a l'impression que tout le monde suit plus ou moins le même chemin. Et c'est aussi le cas au sein de la famille Villemain. Il y a donc les grands-parents, Albert et Monique, qui se sont rencontrés jeunes au travail. Et ils vont avoir plusieurs enfants. D'abord Jackie, l'aîné. Ensuite Michel. Ensuite Jacqueline. Ensuite Jean-Marie, qui est le père de Grégory. Puis Gilbert. Puis le petit Lionel. Les Villemain-Jacob sont une famille aux ramifications complexes. Le grand-père, Albert, s'est marié en 1958 avec Monique, qui avait déjà un enfant. Ensemble, le couple en a eu 5 autres, dont Jean-Marie, celui qui a réussi. Entre frères et sœurs, les relations se sont détériorées au fil des ans. Les amis des parents de Grégory parlent de jalousie à l'égard du père. Son surnom de chef viendrait de son attitude à l'entreprise Autocoussin, autoritaire, peu bavard, mais travailleur. Jean-Marie Villemain se différencie assez rapidement au sein de sa famille. Non pas qu'il soit très ambitieux à l'origine, mais comme il travaille très bien, comme il travaille dur, il monte en grade. Et par ailleurs, il a rencontré Christine pendant son adolescence. Ils sont amoureux et ils ont envie de construire un petit nid douillet, un petit peu à l'écart de la famille, où les petites querelles habituelles, les petites querelles du dimanche semblent leur taper un peu sur le système. Donc ils choisissent de s'isoler et de travailler pour leur propre épanouissement. Et en cela, ils vont finalement s'éloigner du chemin tout tracé de la famille, puisque Jean-Marie Villemain, en travaillant dur, va monter en grade au sein de son usine, va gagner plus d'argent et va tout simplement décider d'en profiter pour que leur vie soit plus douce, et c'est précisément ça qui va susciter des jalousies. Quand Jean-Marie et Christine ont quitté leur HLM pour s'installer au plateau, de mystérieux tireurs à la carabine ont aspergé de plomb leur volet, puis leur porte a été fracturée. La grand-mère Monique a dénombré plus de 700 appels anonymes en l'espace de 2 ans. Placée sur écoute et étroitement protégée par la gendarmerie de Bruyères, la surveillance des grands-parents et des parents de Grégory s'était relâchée depuis 1 an. Le corbeau s'était calmé jusqu'à la disparition de Grégory. Une nouvelle lettre anonyme est arrivée le lendemain du meurtre dans la boîte aux lettres des Villemain. Elle a été expédiée aux parents alors que l'enfant était encore vivant. « Te voilà content avec ton argent. Ton fils est mort et je me suis bien vengé. Tu ne me retrouveras jamais. » Bruyères, le 19 octobre 1984. Cela fait 4 jours que la campagne autour de Bruyères ressemble à un labyrinthe. Un corbeau s'y cache, présumé assassin. Une centaine de gendarmes suivent sa trace depuis la maison des Villemain, où le petit Grégory a été enlevé, jusqu'à la Vologne, 6 kilomètres plus bas, où son cadavre a été retrouvé. Que le corbeau, auteur des lettres anonymes, soit l'assassin, tous les enquêteurs en sont persuadés. Une lettre a été postée à l'épange où habitent les parents de Grégory par ses soins. Son contenu, édifiant, prouve que les meurtriers avaient parfaitement prémédité leur coup. Cette lettre, s'adressant au père, se termine par ces mots « Ma vengeance est faite, tu peux faire le fier avec ton pognon, tu ne reverras jamais ton gosse ». La lettre a été envoyée au plus tard à 17h15, depuis une boîte aux lettres de l'épange, le cachet faisant foi. À ce moment-là, Grégory était encore vivant. Sur place à l'éponge pour France Inter, Jacques Expert. Ce petit garçon innocent de 4 ans et demi est la victime involontaire d'un sordide règlement de compte. Depuis 3 ans, son grand-père puis ses parents sont la cible d'un maniaque qui les martyrise à coups de téléphone et de lettres anonymes. Ces menaces, tout le monde était au courant au village. Les gendarmes ont même les enregistrements. Les enquêteurs sont certains que le meurtrier est un familier de la famille. Ils ont longuement interrogé hier soir 4 personnes, dont les propriétaires d'une 4L verte qu'on a vu rôder le soir du crime. Les gendarmes ont établi une liste de 70 noms. Ils sont entendus les uns après les autres. Ils doivent se présenter les chaussures à la main. Des empreintes de pas et de talons d'aiguille ont été repérées près de la rivière où a été noyé l'enfant. Ils sont également soumis à une dictée. Dès demain, les écritures sont comparées avec celles des lettres anonymes reçues par la famille. Les enquêteurs sont persuadés d'aboutir bientôt. Un capitaine de gendarmerie me confiait hier soir « Nous chassons un loup, plus nous approchons, plus nous l'entendons hurler. » Cette confidence, faite avant-hier par le jeune capitaine de gendarmerie, a semé le doute et donné une intensité nouvelle à l'affaire. Le loup continue de hurler et le corbeau poursuit sa vengeance. On pense au film de Clouzot et à la sombre machination montée par son corbeau. Le juge Lambert a dû se le repasser récemment puisque les 70 suspects familiers ou proches de Grégory se sont pliés à un exercice d'écriture et de dictée. Une fois de la main gauche et une fois de la main droite. Les gendarmes ramassaient encore les dernières copies en fin d'après-midi. Des graphologues se sont aussitôt mis au travail. Dans les cafés ou les magasins, les radios fonctionnent en permanence et à chaque flash, on écoute en commentant aussitôt. Le retour de la peine de mort est réclamé unanimement. La lettre d'un lecteur publiée intégralement par le journal La Liberté de l'Est, sous le titre « J'ai honte », illustre le climat de haine régnant ici. Qu'ils nous le mettent entre les mains quand ils le retrouveront, puis je peux vous dire qu'on leur fera bien, on le fera bien la peau, et puis c'est tout. C'est ça, c'est inadmissible. La peine de mort, elle existait, ils avaient qu'à la garder. Les stocks, doublés de quotidiens régionaux, sont épuisés partout autour de Bruyères dès midi. Le corbeau intrigue, le corbeau angoisse, le corbeau joue de cette situation où le suspense va grandissant, où la population cherche à le lyncher, où chaque piste nouvelle conduit à des impasses ou à des rebondissements. La famille Villemain est au cœur de toutes les conversations. Des cousins et des oncles sont venus grossir les rangs des témoins de la supposée vendetta. Car les arrière-grands-parents maternels de Grégory ont eu 18 enfants, dont 12 sont encore en vie. Depuis le début de l'enquête, la police cherche l'assassin dans le tissu inextricable de ses relations familiales faites de jalousie et de vieilles querelles. Mais sur cette vendetta vosgienne, le silence reste de mise chez les Villemain Jacob. Un silence qu'a pourtant rompu Jean-Marie, père de Grégory, en accusant nommément un membre de la famille d'avoir tué son Titi, le surnom de Grégory, par jalousie. Entendu pendant 4 heures à la gendarmerie de Bruyères, le suspect a été relâché. Au moment du crime, il aidait un voisin à réparer son toit. Outre les mobiles parfaitement inconnus, les enquêteurs se cassent la tête sur la rapidité et l'assurance diabolique du meurtrier. Tout s'est passé en 10 minutes mardi. 10 minutes, le temps de kidnapper Grégory, puis, par un chemin détourné, passant à l'écart de la maison, de l'amener au bord de la Vologne, distante de 6 kilomètres, de l'attacher et de le noyer. 10 minutes pour un tel parcours, c'est ce qui amène à affirmer que l'assassin ne peut être qu'un familier de Grégory et une personne connaissant parfaitement le coin. Je pense que celui qui a tué le petit Grégory fait partie des corbeaux. Thibaut Solano. Puisque l'un des corbeaux annonce le crime à venir 1 an et demi auparavant, dès le printemps 1983. Il appelle Jean-Marie Villemain sur son lieu de travail et lui dit « Je m'en prendrai à ton fils, ça te fera plus de mal ». Donc le crime est prémédité. Les corbeaux, parce que je pense qu'il y a un couple, un homme et une femme. Tous les témoins, tous ceux qui ont reçu des appels de ce couple entendent parfois une voix de femme, parfois une voix d'homme. Et, détail important, Jean-Marie Villemain, lors de ce fameux appel sur son lieu de travail, il entend la voix de l'homme qui lui parle, qui est une voix rauque, une voix avec un accent du terroir, et il entend derrière la voix de la femme qui rigole. La conversation va durer à peu près 40 minutes. Dans cette conversation, le corbeau finit par menacer Jean-Marie Villemain. Il menace d'abord de s'en prendre à sa femme. Jean-Marie Villemain bluffe un peu et fait celui qui n'est pas atteint par cette menace et lui dit, pour le provoquer, « Tu peux t'en prendre à ma femme, j'en trouverai une autre. » Alors le corbeau décide de frapper plus fort et lui dit « Puisque c'est ça, je m'en prendrai à ton mioche, ça te fera plus de mal. » Et là, Jean-Marie Villemain perd ses nerfs et lui dit « Tu fais surtout pas ça, si tu fais ça, t'es un homme mort. » Donc le corbeau a compris quel était le talon d'Achille de Jean-Marie Villemain. Et c'est donc dans une logique terrible, mais dans une certaine logique, que finalement, le corbeau va s'en prendre à Grégory un an et demi après, c'est-à-dire que simplement, il va mettre sa menace à exécution. Cabane des pompiers où on est là, c'est l'endroit où le corps le soir même a été déposé, où il y a eu le début de l'autopsie quoi de l'enfant. C'est très concentré sur ce lieu quoi. Le corps a dû être déposé dans l'affluent de la Vologne qui est là, et puis il a été poussé tranquillement par le courant. Je dis tranquillement parce qu'il n'y a aucune griffure sur les vêtements, et il a tourné là, donc il a tourné sur sa gauche, et puis il a encore parcouru 150 mètres s'arrêter sur la petite digue de pierre qu'on voit là-bas, quoi. Et c'est assez troublant de se retrouver ici. Et on était en octobre, on est 34 ans après aujourd'hui, on a l'impression d'être en vacances. L'ambiance est bucolique. Vous voyez, il y a ces bancs rouges où on est assis et où on se dit. Il y a des séries américaines comme ça, des cold cases, où les personnages par la magie du cinéma se remettent 34 ans en arrière quoi. 34 ans en arrière, il faisait froid, c'était sombre, la vallée était en train de finir la crise du textile, donc c'était très très pauvre. Et je pense que les gens les habitants de Docelle doivent évidemment se souvenir qu'un enfant est mort ici, mais les gens qui passent sont complètement oubliés quoi. Mais les lieux ont pas trop bougé, la Vologne est toujours là quoi. Grégory, le petit garçon de 4 ans et demi retrouvé noyé et ligoté mardi soir près d'Épinal dans les Vosges, sera inhumé cet après-midi. Les gendarmes n'ont toujours pas mis la main sur son assassin. Pourtant, les enquêteurs n'ont négligé aucune piste. Ils restent persuadés que le meurtrier de Grégory est un familier, peut-être même un parent de la victime. Oui, ces mêmes gendarmes qui enquêtent assisteront aux obsèques où, selon eux, le meurtrier pourrait bien se manifester. Écoutez, le commandant de gendarmerie qui dirige cette enquête, il répond aux questions de Jacques Expert. Je viens d'enquêter durant 4 heures à l'usine qui emploie Jean-Marie Villemain pour voir si éventuellement il aurait eu un différend grave ou s'il y aurait eu éventuellement des jalousies à son encontre de la part de certains de ses collègues. Bon, apparemment ce n'est pas le cas. Il va y avoir les obsèques. Les obsèques, oui, à l'Épange, oui, c'est exact. Les obsèques auront lieu à l'Épange, oui. Est-ce que vous attendez quelque chose de ces obsèques ? Pas spécialement. J'espère qu'éventuellement quelqu'un sera présent aux obsèques, de la famille ou peut-être des camarades du père de la victime, et qu'éventuellement il se manifestera un certain sentiment qui la fera peut-être craquer lorsqu'elle verra le cercueil de la victime. Éventuellement, c'est ce qu'on cherchera. On sera présent aux obsèques, et croyez bien qu'on examinera de très près la physionomie des gens présents. L'assassin y sera ? Peut-être. Malheureusement, je ne suis pas devin. L'Épanche sur Vologne, le 20 octobre 1984. Le village a enterré son enfant mort. La petite église à flanc de coteau était pleine à craquer, 700 personnes. Devant, il y avait la très grande famille des Villemain Jacob, en costume bleu trop large ou en robe à fleurs. Derrière, s'entassaient les villageois, en blue jean repassé et en anorak propre. Dans la masse, s'était caché, tant bien que mal, un député attristé, quelques gendarmes en civil, dont un avait encore toute fraîche sur le front la marque de son képi. Et puis tous ces journalistes, voyeurs professionnels, dont certains placés au premier rang, jouaient les arrière-petits cousins. Monsieur le curé a rendu hommage à la mère en priant « Je vous salue Marie » et a parlé de la peine des parents de Grégory, mais pas plus de 15 secondes. Pour le reste, c'était sans doute une messe comme les autres. devant une étoffe blanche, sur le petit cercueil à roulettes, le regard de Grégory en photo couleur fixait la salle, riant. Il n'y a presque pas eu de pleurs, sauf à la fin, quand la mère a craqué, déclenchant par là même des sanglots étouffés et des sorties de mouchoirs. Monsieur le curé a parlé des enfants martyrs et des enfants pauvres. Il a recommandé de donner pour eux une pièce. C'est ce que presque tout le monde a fait. Pendant que les gens tristes défilaient, aspergeant d'eau bénite la petite caisse à roulettes, Saint-Preux, en musique de fond sur la chaîne stéréo du presbytère, marquait la cadence. Les enfants de cœur bâillaient, les mères hissaient leurs petits à bout de bras pour qu'ils voient bien le cercueil et la photo. Debout, en randonnion sur les premiers bancs, les hommes de la famille avaient les poings serrés et les mâchoires aussi. Les gendarmes et le juge l'avaient assez dit, les journaux l'avaient écrit, l'assassin sera peut-être dans l'église. Et ça la foutait mal. Apparemment serein et pragmatique, monsieur le curé réglait la circulation. « Sortez par les côtés, s'il vous plaît, sinon il va y avoir des embouteillages. » On a beaucoup pleuré dans l'église, tout au long de la messe. Mais soudain, quand le petit cercueil est transporté jusqu'au caveau, c'est comme si tout l'absurde et l'horreur de cette mort frappaient enfin les esprits de plein fouet. Trois femmes sont tour à tour prises d'un malaise, Christine, la mère de Grégory, et les deux grands-mères de l'enfant. Dans la foule, les gendarmes sont là. Pour eux, aucun doute, l'assassin de l'enfant assiste à la cérémonie. Tout le monde est suspect. Alors comment savoir ? Denis Robert, vous assistez à l'enterrement de Grégory. Quels sont vos sentiments ? Les souvenirs de vos sentiments ? J'avais une chance, c'est que j'appartenais à un journal qui ne me pressait pas à sortir des scoops ou à faire des photos, à être dans la surenchère pour récupérer des informations. Et personnellement, j'avais pas spécialement envie d'aller à cet enterrement, quoi. C'était pas mon... J'avais pas l'impression de faire du journalisme en rentrant dans cette église. Mais en même temps, j'ai compris assez vite qu'au-delà du fait divers, il y avait le phénomène fait divers qui était en train de se créer, quoi. Et le moment de l'enterrement de Grégory est un moment particulier puisque tous les journalistes de France, pratiquement, enfin, qui s'occupaient de faits divers dans les différents médias, radio, télé, presse écrite, sont venus, quoi. Et j'en garde un souvenir j'étais pas fier de moi et pas fier de nous, quoi. Et j'en garde un souvenir horrifié, le mot est fort, mais j'étais complètement interloqué par ce que je voyais. Donc j'étais très jeune journaliste et il y avait des bousculades, les caméras qui essayaient de prendre absolument les photos. Évidemment, Christine et Jean-Marie Villemain étaient au centre de toutes les attentions. Il y avait le petit cercueil, il y a eu des bousculades, etc. Mais le paroxysme de tout ça, c'est le cri de Christine Villemain, le cri de douleur, un cri de douleur que j'ai encore dans les oreilles aujourd'hui, quoi. Ce cri aussi nous remettait tous en place, quoi. C'est-à-dire que il y avait quelque chose d'effroyable qui s'était passé, et cet effroi et cette folie criminelle a gagné le collectif, a gagné la foule. Après son cri, il y a eu un silence, quoi. Enfin, le cri a duré, quoi. Et puis je me souviens, le prêtre a dit des mots, et j'avais un peu honte d'être journaliste là-bas, en tout cas. Et j'essayais, moi, à mon niveau, de mettre un peu de distance et d'humour, c'est con à dire, mais c'est ça, et puis de paix dans toute cette agitation qu'il y avait autour de moi. Mon but n'était pas de savoir qui avait tué, mais mon but était de raconter au lecteur ce que je voyais, quoi, et de comprendre pourquoi ce fait divers devenait un fait de société majeur, quoi. Monsieur le curé a donné l'ordre et le cercueil a glissé doucement sous terre. Alors les murmures ont monté. La mère a poussé un long cri de désespoir, révélant que tout, jusque-là, avait été trop silencieux. Elle est tombée en hurlant dans l'herbe. Un photographe s'est approché avec un caméraman. Lionel et Gilbert ont fait la police. Arrêtez de nous faire chier avec vos photos. Un des leurs a pris une pierre, mais retenu par le maire affolé, il ne l'a pas lancée. La famille s'est repliée en cercle autour de la grand-mère Monique, en pleine crise de nerfs. un journaliste a appelé un docteur. Puis Jean-Marie s'est enfui, avec Christine dans les bras. La tribu faisait front, recroquevillée sur sa douleur. Sur son secret aussi. Les plus vieux regardaient le ciel, soudain nuageux. « C'est pas possible de nous faire ça, on l'a pas mérité. » En quelques minutes, il ne restait plus qu'un fossoyeur bouchant un trou et une petite vieille changeant l'eau des fleurs de la tombe de son mari, mort à la guerre. Monsieur le maire a dit « Je m'excuse, mais j'ai un mariage à 3h30. » Hôtel, le 21 octobre 1984. À la gendarmerie de Bruyères, les hommes du commandant Chaillant ont affiché un grand tableau répertoriant une centaine de suspects. À côté des noms sont pointées des croix. Ce sont les alibis vérifiés. Ou des cases vides. Ce sont les alibis invérifiables. Le problème est que le nombre des cases vides est largement supérieur au nombre des croix. Hier soir encore, toute la famille, sauf Jackie, le demi-frère de Jean-Marie, était réunie dans la maison des grands-parents à Aumont-Zé, encadrée par une dizaine de gendarmes. Ils réécoutaient les enregistrements magnétiques du corbeau. Oh, qui c'est, dis-moi ? Qui ? Oui. Avant même d'étudier le dossier, c'est-à-dire de lire les premiers procès-verbaux, Thibaut Solano. La première chose, c'est que j'ai écouté l'un des enregistrements, celui que le corbeau a donné, l'appel qu'il a donné à Jean-Marie Villemain chez lui, et qui a donc pu être enregistré par un magnétophone installé à côté du téléphone. Et j'étais seul quand je l'ai écouté. Et ça m'a foutu la trouille, parce que cette voix, on dirait un peu une voix de sorcier ou de sorcière, plutôt de sorcière, puisque la première fois que je l'ai écoutée, j'ai cru entendre la voix d'une femme, et on aurait dit vraiment une voix de sorcière qui jetait un sort, quoi, qui formulait un maléfice, et donc c'était assez glaçant. Et j'ai alterné à chaque fois entre deux sentiments, en étudiant toute cette matière produite par le corbeau, entre l'effroi, c'est-à-dire vraiment la méchanceté, la malveillance, la volonté de remuer les problèmes, les secrets, tout ce qui n'allait pas dans cette famille, la volonté de faire mal, et clairement de pousser à la mort, c'est-à-dire de pousser, non pas de tuer lui-même dans un premier temps, mais de pousser au suicide, Albert, le grand-père, qui en plus était connu pour être fragile psychologiquement. Et donc voilà, c'est cette volonté de faire mal, mais c'est pas, on n'est pas dans l'ordre du canular ou de la mauvaise blague, on est dans l'ordre de pousser au suicide. Donc il y a ce côté absolument effroyable, et d'un autre côté, il y a cette espèce de petitesse, quoi, de mesquinerie, c'est-à-dire vraiment de s'en prendre aux gens sur des tout petites choses, de dire Albert Villemain, il sent le vieux, on dirait presque une insulte dans une cour de récréation. Et voilà, il y a cette dualité entre la petitesse et le côté machiavélique qui est quand même assez effrayant. Ah bon? Tu sais, je veux pas me casser la tête là-dessus, hein. Si tu me disais qui c'était encore. Je veux même pas lui en parler, hein. Si tu me disais un peu qui c'était, je pourrais un peu dire des noms, mais des conneries pareilles. Pourtant, il lui ressemble. Le grand, c'est un bâtard. Oui. L'autre aussi, c'est du même Thiébault. C'est du même Thiébault. Mais dis-moi voir qui c'est, non. Gilbert? C'est passé. Bruyère, 22 octobre. Île Croasse, moqueur et sinistre, jetant l'ombre et la méfiance autour de l'épange. Le corbeau se serait manifesté pour la première fois en 1977 à l'encontre d'Albert et de Monique Villemain, par coup de téléphone et par lettre anonyme. Les messages, courts et injurieux, sont assénés dans un but provocateur, vengeur ou pervers. Va voir dans la grange, le père s'est pendu. Si tu continues à fréquenter Jean-Marie, on fout le feu à ta maison. Les grands-parents de Grégory en ont été longtemps les victimes. Les frères de Jean-Marie aussi, Gilbert, Michel et même Jackie. Surtout depuis que Jean-Marie n'était plus dans l'annuaire. Le corbeau n'aurait-il pas accès à la liste rouge? Ou est-ce encore un piège pour brouiller les pistes? Le corbeau poursuit sa besogne après la mort de Grégory et se joue de la situation, se manifestant là où personne ne l'attend, laissant pantois les gendarmes et rêveur le procureur. Le juge d'instruction Lambert ne se pose qu'une question. Pourquoi le corbeau se venge-t-il? Il a une certitude, la famille Villemain-Jacob le sait. Le corbeau a une voix masculine et habite la région. Il porte peut-être des jumelles et roule peut-être en voiture verte, accompagné d'une femme. Le corbeau maquille maladroitement son écriture, mais peut-être la maladresse n'est-elle qu'un stratagème. Le corbeau rend toutes les hypothèses vraisemblables. Surtout celles qui ne le sont pas. Pour la première fois, des membres de la famille Villemain ont accepté de parler. Les grands-parents de Grégory, que notre envoyé spécial Jacques Expert a rencontré ce matin. Écoutez, c'est le premier témoignage direct sur cette dramatique affaire. Je suis le grand-père de Grégory. Nous sommes unis. C'est tout des racontages. Est-ce que vous avez un grand secret? Non. C'est faux. Est-ce qu'il vous avait eu des adversaires, des ennemis dans ce village? Non. C'est dommage que notre petit garçon est parti dans un état comme ça. On n'y est pour rien, la famille n'y est pour rien. C'est sûr, on n'a pas de clan. C'est faux. Mais pourquoi on vous en veut? On ne sait pas le pourquoi. C'est ça qu'on cherche. Est-ce que vous pourriez nous parler des appels anonymes? On a eu plus de 700 appels anonymes à 2 ans. Avec des insultes et des menaces. On ne peut rien dire d'autre, voyez bien. On vous dit ce qu'on a à vous dire, mais on ne demande qu'une chose, qu'on retrouve l'assassin. Qu'une chose, c'est ça. Rien d'autre. Jamais. Ce panthère robot, vous l'avez vu? Jamais. Jamais, on n'a rien vu de ça. On le retrouve comme nous le retrouvons. Je demande quelque chose que la gendarmerie fasse le nécessaire auprès de tous ceux qui peuvent pour retrouver l'assassin. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout. Albert et Monique, les grands-parents, sont des personnages essentiels puisqu'ils seront parmi les cibles principales du fameux corbeau. La clé de l'énigme se cache de leur côté. Puisque manifestement, c'est quelque chose qui se cache dans le passé de Monique qui suscite beaucoup d'appels téléphoniques de la part du corbeau. Monique était enceinte quand elle a rencontré Albert. À cette époque-là, c'était quelque chose de mal vu. Grossesse hors mariage, évidemment, ça suscitait des ragots et des propos malveillants dans les villages où ils habitaient. Et justement, le corbeau va utiliser ça en faisant passer Monique pour une femme de petite vertu, et va dire, par exemple, t'as eu un gamin avec un mec qui est parti, et il y a un con qui l'a ramassé. Le con, en l'occurrence, c'est Albert, qui lui-même est largement ciblé par le corbeau. Albert est un personnage particulier, souvent à fleur de peau. Il a d'ailleurs une forme de problème psychologique, physique, on ne sait pas trop, mais de temps en temps, il fait des crises de colère, ou des crises de larmes, ou des crises d'angoisse, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est sans doute lié à sa propre enfance, puisque il a eu un parcours difficile. Son père s'est pendu et sa mère a été incarcérée pour une correction sur l'un de ses enfants qui a mal tourné. L'enfant est mort, sa tête a heurté un meuble. Donc Albert est né et a grandi dans cet environnement extrêmement compliqué. Tandis que Monique est quelqu'un qui, a priori, peut sembler être une femme effacée, mais qui agit quand même comme quelqu'un qui essaye d'apaiser les choses, d'apaiser les conflits, notamment auprès de son mari. On peut penser effectivement que Monique sait pourquoi le corbeau lui en veut à ce point-là, et a une idée sans doute de l'identité de ce malveillant, de ce malfaisant, mais elle ne l'a jamais dit. Bruyères, gendarmerie, le 23 octobre 1984. Vers 18h30, les gendarmes de Bruyères ont amené de force dans leurs locaux deux couples jusqu'alors inconnus de tous. De la famille très éloignée, a-t-on précisé. Le corbeau est-il parmi eux? Après une perquisition à leur domicile, des gendarmes disent avoir trouvé une paire de bottes vertes qui pourraient correspondre aux empreintes laissées au bord de la Vologne par l'assassin, ainsi qu'une corde ayant peut-être servi à ligoter Grégory. À l'Épange, la population du village, sur les nerfs après 6 jours d'enquête et de rumeurs, mise en alerte par une succession de révélations, réagit brutalement. Beaucoup sont venus faire un tour du côté de la gendarmerie sans attendre la fin de la nuit. Tous, on attend. L'enquête sur la mort du petit Grégory n'avance pas. Les gendarmes ont procédé à la reconstitution du drame. Ils veulent déterminer l'heure à laquelle l'enfant a disparu. Le père, Jean-Marie Villemain, s'insurge contre le fait que les parents et les proches de la famille ne disent pas tous tout ce qu'ils savent. Il n'y a jamais eu de clan chez les Villemain. Tout ça, c'est la rumeur des gens. On est une famille unie. Et on peut se renseigner. C'est certain qu'on est une famille unie. Quand vous entendez qu'on parle de clan, comment est-ce que vous réagissez à cette idée? C'est là qu'on se rend compte la mentalité des gens, la méchanceté des gens et tout, quoi. Qu'il y en a, au lieu de parler, il faut bien se taire. Non, il n'y a pas de secret. C'est tout de l'inventé, c'est tout. Il aurait été dit, ce secret. Il aurait été découvert, même. Non seulement dit et découvert. Ça fait 8 jours que ça dure. Est-ce que vous avez reçu des appels anonymes? Des menaces et tout, quoi. Ça n'a jamais été pris au sérieux. Si la gendarmerie avait pris ça au sérieux, votre fils serait sans doute vivant aujourd'hui. Oui. Ça vous a rendu la vie impossible? En 2 ans, oui. Plus de 2 ans, même. C'est invivable. Est-ce que vous pouvez imaginer que le corbeau se cache dans votre famille? Imaginer, non, mais c'est possible. Vous soupçonnez personne actuellement? Personne n'est pas le mot. Plusieurs, oui. Maintenant, reste à voir. On attend. Comment actuellement réagit votre épouse? Un état que je peux même pas déterminer moi-même. Je sais pas. Et vous-même? Moi-même, dur, mais je tiendrai. Il faut que je tienne. Pour savoir qui c'est. Et votre famille? Eux aussi sont du même opinion que moi. Nous demandons justice, c'est tout. Que vengeance soit faite. Bruyères, gendarmerie, le 24 octobre 1984. Après 6 jours d'enquête, les investigations sont revenues à la case départ. La nuit dernière, à 1h20 du matin, la 50aine de journalistes et de villageois qui battaient la semelle devant la gendarmerie de Bruyères espéraient un dénouement proche. Le bruit courait que parmi les 2 couples qu'interrogeait le juge Lambert se trouvait l'assassin. À leur sortie à 1h25, les 2 couples, des parents éloignés de la famille Villemain, étaient nerveux mais visiblement soulagés. Un voisin surnommé « la Belette » les avait aperçus en train de ramasser des pommes à 10 kilomètres de l'Épange au moment du drame. On s'est cassé la tête pour rien, on repart à 0, mais on ne désespère pas. L'évidence est là, criante, les gendarmes sont dans la panade. La partie de Cluedo, à laquelle se livrent les gendarmes et les journalistes, entre le domicile des parents, des grands-parents et la gendarmerie, commence à agacer sérieusement la population locale. Les grands-parents et les frères de Jean-Marie ont eu des récentes et strictes consignes des enquêteurs. Ne plus parler aux journalistes. Monique Villemain, la grand-mère, a quand même tenu à dire « Nous sommes une famille unie, il n'y a pas de clan chez nous ». À l'Épange, sur Vologne, dans les Vosges, 8 jours après l'assassinat du petit Grégory Villemain, des renforts de gendarmerie sont arrivés cet après-midi. Les enquêteurs n'étaient en effet pas assez nombreux pour interroger tous les suspects présumés et pour recouper toutes les pistes. Au micro de Philippe Chaffanjon, le procureur Jean-Jacques Lecomte avoue que l'enquête, maintenant, marque le pas. Au fur et à mesure, on met des éléments qui s'assemblent, qui se juxtaposent, qui se coordonnent, qui s'harmonisent. Mais que pour l'instant, on ne voit pas dans quelle direction nous allons. Hein. Nous avons toutes les hypothèses en vue. Autrement dit, la parole de la mère, nous n'avons aucune raison de la mettre en doute. Nous n'avons aussi aucune raison de ne pas la mettre en doute. Nous voulons faire un travail scientifique. Personne n'est, sauf les gens qui ont un alibi irréfutable, personne n'est à l'abri de nos soupçons, en quelque sorte. 8 jours après la mort de Grégory, vous n'avez pas un peu l'impression de tourner en rond ? Absolument pas. Tourner en rond, non. Au contraire, je dirais même que l'enquête progresse. Nous ne repartons pas à zéro, nous continuons. Autrement dit, tout ce qui est derrière nous est un acquis. Bruyères, le 26 octobre 1984. La petite épicerie cachée de Monzé est ouverte toute la journée, dès que la mère, Le Bedel, est debout, jusqu'à ce qu'elle se couche. On y boit du gros rouge et on y vient acheter sa boîte en fer de haricots pour la soupe de midi. Madame Veuve Le Bedel, charentaise usée, vieux tablier gris en nylon, sur gilet de laine raccommodé, a une morale et une seule. Je n'ai rien à dire aux gendarmes ni aux reporters. Et effectivement, elle ne dit rien. Elle est pourtant au courant de beaucoup de choses. Suffit de s'asseoir au bistrot à côté et de tendre une oreille pour s'en rendre compte. Tout le village était au courant des manèges du corbeau. Vous pensez, un jour à une réunion de famille, on est même venu leur livrer un cercueil, comme si le père Villemain était mort. Dans les farces macabres et anonymes du corbeau, outre la vengeance, il est presque toujours fait référence à une mort violente ou à une histoire de pendu. Ça frise l'obsession. Les Hollard habitent l'Aveline du Hou, à 2 kilomètres de Monzé. Branche éloignée de la famille, du côté de l'arrière-grand-mère paternelle, ils ont reçu, voici quelques années, un coup de téléphone d'une femme éplorée, se faisant passer pour Jacqueline Villemain. « Papa est mort, il s'est pendu. » Le même jour, les Hollard, en dimanché, se sont rendus chez les Villemain, une plaque mortuaire sous le manteau. Mais sur la route, ils ont rencontré Albert, tout sourire, qui leur a demandé ce qu'il faisait donc là, si bien habillé. « Rien, rien, on allait juste voir l'assureur », ont-ils rectifié précipitamment. La plaque mortuaire est restée sous le manteau. Des histoires de ce calibre, les Haut-Monzois en racontent des dizaines à l'épicerie de Madame Le Bedel. Bruyères, 27 octobre 1984. Monsieur Cornilly, le patron de l'hôtel de la Poste de Docelles, était formel hier soir. Un homme est venu boire une bière chez moi mardi dernier à 16h35. Il était nerveux et tapotait son paquet de cigarettes en regardant la pendule. Il est sorti 5 minutes plus tard et est revenu à 17h05. À 17h15, il a payé avec 5,50 francs en monnaie préparée d'avance. Je l'ai remarqué parce que c'était pas un client habituel. À 10 jours de distance, le cafetier est sûr de lui, en raison, dit-il, de la présence de son fils qui rentrait de l'école au même moment et de l'heure de fermeture de sa banque à Épinal où il devait retirer de l'argent. L'hôtel, légèrement en retrait de l'axe routier Bruyères-Épinal, se situe à 80 mètres de l'endroit où a été retrouvé le corps de Grégory. De plus, l'horaire indiqué est exactement celui correspondant au temps mis par les ravisseurs de Grégory pour le kidnapper à 6 km de là, puis pour téléphoner à l'oncle de Grégory. Après avoir prévenu la gendarmerie de Bruyères, le cafetier a reçu un coup de téléphone de la police judiciaire de Metz qu'il a interrogé pour dessiner le premier portrait robot largement diffusé. Ce témoignage alimente la thèse d'un complot monté avec au moins 2 complices, dont une femme. L'inconnu de Docelles aurait pu prévenir les ravisseurs en planque à l'éponge. La voie est libre. Superviser l'opération et téléphoner à l'oncle Michel. L'homme et la femme, aperçus dans une Renault 12 verte suspecte aux environs de la maison des Villemain, se seraient chargés de l'envoi de la lettre anonyme annonçant la mort anticipée de Grégory. Donc si je résume, il y a de toute façon un couple. Un homme, une femme. Thibaut Solano. Qui appelle soit en même temps, soit alternativement. Ce couple a vu sur la maison des grands-parents, Albert et Monique. Pourquoi ? Parce qu'il en parle dans ses conversations, dans les appels qu'il lance à Monique notamment. Il fait référence à des choses qu'il voit forcément de ses yeux. Un exemple, un jour, Monique reçoit la visite des gendarmes, puis ils partent. Et à peu près 30 minutes plus tard, Monique reçoit un appel de cette voix rauque, du corbeau, qui lui dit « Les gendarmes sont passés chez toi ». Donc, le corbeau est témoin de certains événements. Certaines choses lui reviennent aux oreilles sans doute par le bouche à oreille, mais certaines choses, il les voit de ses yeux, et à mon avis, il habite à Aumont-Zé. Et un troisième élément, on est sur un couple qui connaît très bien certains secrets de famille. Ils font référence notamment donc, à cette grossesse de Monique hors mariage. Ce corbeau connaît le nom, justement, du premier amant de Monique, celui avec elle, elle a eu Jackie, alors que même Jean-Marie Villemain ne connaissait pas le nom. Donc, ils sont particulièrement bien renseignés. Et par ailleurs, il faut voir aussi que certaines personnes sont épargnées par le corbeau. Il y a certains secrets familiaux qui ne sont pas utilisés. On sait que le père de Monique était incestueux. Léon Jacob était incestueux puisque non seulement il couchait avec sa propre fille, mais en plus il a eu un enfant avec sa propre fille. Quitte à faire mal, le corbeau aurait pu utiliser ce secret-là, puisque Monique était l'une de ses cibles, il aurait pu lui dire « Ton père est incestueux, il a couché avec ta sœur, etc. etc. » Pourtant, pas un mot. La gendarmerie vient de diffuser un nouveau portrait robot correspondant à l'homme décrit par le cafetier. 35 ans environ, athlétique, favori prononcé, remontant aux pommettes, moustache tassée à la commissure des lèvres, cheveux châtain bouclés, costume bleu et pull bordeaux. Bruyères, le 29 octobre 1984. Le froid est tombé sec et rude sur Bruyères et sa contrée. Chacun s'attendait ici à un week-end calme et sans histoire, une petite trêve après 12 jours d'enquête mouvementée. Ce fut presque le cas. La journée de samedi a été marquée par l'arrivée de Maître Garot, avocat de légitime défense, venu spécialement de Paris pour aider Jean-Marie Villemain. Je suis allé dans la chambre du petit Grégory, elle n'a pas bougé. Il y avait même un nounours sur le lit. On sent que c'était un enfant choyé et aimé, a déclaré en substance le champion de la peine de mort, la larme à l'œil. Un appel a aussitôt été lancé par TF1 dans Bonjour la France. Sur le portrait robot de l'homme au favori, une voix angoissée énonce « Si vous voyez cet homme, dénoncez-le à la gendarmerie, il a tué un enfant. » Bruyères, le 30 octobre 1984. Enquête sur le meurtre par noyade du petit Grégory Villemain, 13e jour. Les enquêteurs, les enquêtés et les observateurs de l'enquête stationnant à Bruyères se livrent à un étrange ballet, un remake de « On achève bien les chevaux » où les danseurs, mécaniques et plus ou moins confiants, tournent en rond en se disant que bientôt, à l'usure et à l'usure seulement, le corbeau finira par tomber. Apparemment, il ne se passe rien. Le procureur Lecomte joue à l'homme occupé. Le juge Lambert ne sort plus le nez de ses dossiers. La famille Villemain, muette, se cloître dans la maison du grand-père. Même les traditionnelles rencontres des gendarmes avec la presse ont vécu. Tout est trop calme pour durer. J'ai tué le fils du chef. Affaire Grégory, le roman de la Vologne, d'après le livre de Denis Robert, paru chez Hugo Doc, extrait lu par l'auteur. Avec Thibaut Solano, auteur de La Voix rauque, aux arènes. Remerciements à Paco Mtielman. Archivina tirée des journaux de France Inter, Antenne 2 et FR3, Anne Delaveau et Marine de Caen. LSD, attachée de production Marie-Vonne à Bolivier, productrice coordinatrice Perrine Kervran. Un documentaire de Denis Robert,